On va faire le bilan maintenant du hockey mineur de Robertval et des Hurricanes de Mastouillache avec Hugo Maltais. On t'a fait la semaine passée, mais Hugo était pris en conférence de presse avec l'animation de Simon Gaudreau, titre d'entraîneur-chef des Aigles. Salut Hugo! Salut! Hugo, on va commencer d'abord avec le chapeau d'entraîneur des Hurricanes. Ça a été une saison mouvementée, il y a eu des problèmes d'entraîneur. Ton équipe d'entraîneur est venue prendre de la relève à la toute fin pour sauver l'année. Mais un coup que les problèmes ont été réglés, ça a quand même bien été. Puis l'équipe a quand même bien performé. Malgré tout, vous aviez une grosse opposition. Oui, bien, on est super contents, là, puis très, très, très satisfaits de comment la saison s'est terminée. Même si on a perdu là, en trois matchs contre Saint-Bruno, là, on affrontait là, quand même une équipe là, qui avait 13 vétérans sur 16 joueurs. Donc l'équipe de Saint-Bruno représentait une bonne opposition. Puis là-dessus, bien, on a perdu deux matchs par un but, dont le premier. Là. Peut-être que le premier nous a fait mal inconsciemment, qu'on a perdu 4-3 en fusillade. Puis les deux autres matchs, là, autant le 4-2 à le 4-2 à Mastoyage qui a été 4-5 minutes, où est-ce que Saint-Bruno en a profité pour compter 3 buts, sinon je pense qu'on avait la troisième période, on les avait dominés. Puis le troisième match, 3-2. Regarde, on peut pas rien reprocher aux jeunes. Là. Ça a été. Ils ont performé, je pense, comme ils devaient le faire durant l'année. Mm-hmm. Puis je pense qu'honnêtement, la meilleure équipe cette année, c'était Saint-Bruno. Puis c'est à leur honneur à Saint-Bruno de se rendre à la Coupe d'Osse puis défendre la région de la semaine prochaine. Mais écoute, là, moi je sors de là, puis des jeunes sortent de là la tête haute. Puis on pensait qu'avec l'équipe qu'on avait, on devait se rendre là minimalement. On l'a fait. Puis rendu là, ben c'est la meilleure équipe qui l'emporte. Puis ça a été Saint-Bruno, puis ça a été bien c'est correct comme ça. Puis maintenant, on est content de notre fin de saison là avec Mastoyage. Tu dirais-tu que l'équipe a manqué de jus? Je dirais pas nécessairement que l'équipe a manqué de jus. Je pense que Saint-Bruno est beaucoup plus complet. Je veux dire que nous autres, ils ont une caractéristique quand même importante là, au niveau de ses 13 deuxième années. Ils sont plus grands, sont plus gros que nous. Ils étaient plus grands, plus gros que nous autres, beaucoup plus costauds. Mmh. Puis leur grandeur, puis leur le côté physique, en plus d'avoir ça, il était quand même rapide, il avait un bon coup de patin. Donc, je pense pas que ce soit nécessairement la fatigue des séries comme l'équipe de Saint-Bruno qui avait cet avantage-là. Parce que c'est pas une équipe là, qui jouait de façon là, hyper robuste puis sauvage. Ils ont très bien joué, mais ils sont capables de s'en servir. Puis c'est sûr que ça a fait une différence par rapport à nous autres, qu'on était beaucoup plus petit, donc c'était plus difficile pour nous autres là, de rivaliser sur ce plan-là. OK. Donc, à quoi va ressembler les Hurricanes l'an prochain? C'est sûr que c'est pas toi qui va diriger, on le sait, parce que toi, t'es venu en renfort, t'es venu éteindre les feux en pompier, mais la personne qui va prendre les mains des Hurricanes, est-ce que c'est quand même positif? Est-ce qu'il y a un bon noyau? Année après année, Hurricanes, vous avez une grosse cohorte, donc ça devrait être encore bon. Ben, le noyau est encore là, tu sais, je veux dire, par rapport à l'équipe de cette année, c'est six vétérans qui peuvent être de retour l'an prochain. Puis tu combines à ça, là, le Pee-Wee 2B quand même, là. Parce que je sais que le Pee-Wee 2B a fini premier. Les Bulldogs ont fini premier, puis moi j'ai un de mes enfants là, justement qui joue là-dedans, qui s'en va à Coupe d'Or, puis qui va être bantam l'année prochaine, puis ils ont une grosse cohorte encore qui va monter. Oui, effectivement, l'an prochain, si tous les morceaux revenaient, c'est sûr que Mastoyage ont encore là, une très, très bonne équipe entre les mains pour l'année prochaine. Il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. OK. Là, on va toucher le président du hockey mineur de Robertval. Es-tu content de l'année? Très content de l'année. OK. Ça n'a pas été une année au niveau de la logistique facile. On a été chanceux et choyés que l'hockey mineur de Mastoyage avec M. Alex Paul. Ben oui, c'est vrai. M. Alex Paul, là, avec toute son équipe de hockey mineur de Mastoyage, nous ont rendu la vie très, très, très facile. On a eu là des mesures facilitantes. On a eu des locaux quand ça a été le temps de faire notre ronde du Satôme. On a eu une collaboration. On avait besoin là, de matériel, les employés de l'aréna de Mastoyage, là, nous ont toujours dépanné, puis nous ont toujours fourni le matériel qu'on avait besoin, le temps qu'on avait besoin. Donc, c'est sûr que si j'ai pas une organisation de la part de Mastoyache aussi accueillante puis serviable, probablement que mon année est plus difficile. Mmh. Mais avec ces... ces irritants-là de moins, ben c'est sûr que moi, pour personnellement, au niveau administratif, j'ai trouvé que ça avait été génial. Au niveau des locations de glace, même si on a juste eu une arena, tout le monde a eu de la glace amplement pour les pratiques, pour les parties. On s'est quand même pas trop pilé ses pieds. Puis au bout de la ligne, ben j'ai deux équipes qui se sont rendues avec Mastoyache, notre fusion, on s'est rendu en finale. Mmh. La ronde des champions avec le novice B puis la tombe B. J'ai mon novice B qui a perdu là, en prolongation. Il y avait chacun une victoire, une défaite, donc ils sont allés en prolongation puis ils ont perdu là. Puis mon tombe B, ben eux sont ont une victoire, une défaite, puis ils se sont rendus en fusillade, puis ils ont réussi à gagner puis à être champion de la région dans la tombe B. Donc moi je pense que c'est une belle année compte tenu là, de l'ins. Certitude qu'on avait, on nous avait dit au début qu'on allait commencer en janvier dans le centre sportif, puis on a commencé en début mars pour nous faire plaisir, parce que la ville nous a fait plaisir, parce que la ville sinon on n'aurait pas été capable nécessairement d'avoir là, je pense que l'aréna n'a même pas été ouverte, que chapeau à Mastoyache, merci beaucoup à M. Alex Poil. Mm. Nous autres, ben, regarde, on met ça là, dans les années positives là, avec tout ce qu'on a eu à vivre. Ben c'est bien, c'est bon ça. T'en viens-tu comme président l'an prochain? Mon mandat, théoriquement, il me reste une année l'an passé quand j'avais renouvelé pour 2 ans. Donc, théoriquement, il me reste un an à faire encore à mon mandat. OK. Moi, l'Assemblée générale, elle se fait toujours là, à la mi-mai. OK. On va présenter nos états financiers. Je veux proposer quelques petits amendements ou changements au niveau de mon CA. Je vais voir avec mes membres là, au retour de la Coupe d'Or, je vais revenir avec eux autres. Mais je devrais finir mon mandat de 2 ans. Mmh. OK. Puis probablement là, qu'après mon mandat de 2 ans, par exemple, là, je devrais laisser. Ben là, t'as fait ta part, là, je trouve. Oui, j'ai fait une grosse part. Oui, oui. Justement, ouais. J'étais allé là, dans d'autres réunions avec d'autres personnes, puis on s'est mis à compter ça, là, puis que l'année prochaine, ça va faire la fin de mon 4e mandat, donc ça fait que je pense qu'il y a des... ça fait du bien également d'avoir d'autres, d'autres idées nouvelles, puis ça, c'est pas... Dans n'importe quelle organisation, quand les gens sont là trop longtemps, ben à un moment donné, ça devient routinier, puis il y a des gens qui veulent s'impliquer, il y a des gens qui peuvent voir ça différemment. Avec des nouvelles façons de voir, puis c'est toujours bon, ça, je pense, dans n'importe quelle organisation, c'est toujours bon d'avoir du sang neuf, des idées nouvelles, puis je pense que je vais être rendu là. Faudrait pas que tu fasses comme Marcel Maltais. Faudrait pas. ça, c'est inquiète-toi pas, c'est vraiment pas. Écoute, parce que je suis, il me reste un an de mon mandat je vais finir mon mandat, mais je vais te dire honnêtement, il y aurait même quelqu'un qui me dirait, regarde, Hugo, j'aimerais ça prendre ta place, puis je voudrais expérimenter ça, puis je serais prêt à laisser ma place. Je pense pas que, du coup, on verra, mais c'est sûr qu'à la fin de mon mandat, ça va être fini. C'est clair. Hugo, évidemment, tu es impliqué également dans le hockey, l'arrivée des Aigles à Roberval, de par ton emploi, à la cité étudiante de Roberval. Ça doit te mettre, on en a parlé, ça doit te mettre dans une position assez bizarre. Par contre, pour le hockey, j'imagine que c'est une bonne chose, parce que cette équipe-là qui arrive à Roberval, pour le hockey pur, là, c'est une ligue compétitive, 28 matchs, des matchs contre Québec. Donc ça, c'est bon pour le hockey. Là. On se contente pas d'histoire, les Sables, depuis que c'est arrivé à Roberval, c'est difficile, l'équipe gagne pas. Donc d'avoir une autre équipe de compétition comme ça, qui compétitionne en province, puis avec un entraîneur comme Simon Gaudreau, faut pas voir ça. Oui, ça va nous enlever des joueurs, par contre, d'un autre côté, ça peut populariser le hockey. Là. Ben, c'est clair que nous autres, regarde, on a eu une rencontre, là, il y a deux semaines, si c'est pas trois, on a eu une rencontre avec justement les trois présidents d'hockey mineur, Carl Gagnon avec de Saint-Sylvain, David Lamontagne de Delbeau, moi-même, puis on a eu avec la RSEQ, donc le sport, M. Éric Benoît, Alexandre Lallemand, puis on a eu même là, les directeurs d'école de la commission scolaire du pays des Bleuets. Puis écoute, on va essayer là-dedans là, de collaborer ensemble, mais on faut pas non plus se mettre la tête dans le sable. Ben non. On se cachera pas que l'hockey en 2018, puis plus que les années vont monter, là, les subséquentes, l'hockey est rendu là quand même. Ben on est rendu. Robin Bouliane me disait la semaine passée, des castors, il dit on est rendu à la croisée des chemins. Puis c'est un questionnement qu'il y a à avoir. Puis c'est juste parce qu'on est en région éloignée. Hein. Mm. Mais il veut dire la roue a déjà été inventée, puis le feu a été inventé aussi. Puis on fera pas pire, on fera pas mieux. Si les jeunes vivaient en Mauricie, en Estrie, Québec, Montréal, la réalité du sport de compétition, à passe par des structures d'Hockey Québec, si t'es assez bon pour faire du 3A. Mmh. Puis après ça, ben il y a des parents qui disent, ben nous, on va passer par la structure du scolaire. Mmh. Avec les différentes ligues, que ce soit la RSEQ, la LHPS, la Ligue Amateur d'Arche. Puis les gens sont tous rendus là. Mmh. Donc à un moment donné, la réalité va rattraper également les régions éloignées. Puis dans les régions éloignées, ben les parents sont pas plus fous que les parents d'ailleurs. Puis ils disent, ben si ça fonctionne, on aimerait ça que nos enfants puissent autant aller à l'école qu'au hockey. Au niveau scolaire, il y a des gros avantages aussi, on ne comptera pas de peur, là. Il y a des gros avantages aussi au niveau de la structure scolaire versus le Hockey Québec. Donc, garde, je pense qu'on fait juste répondre à un besoin. Est-ce que ça va toucher les hockey mineurs? Faut pas se mettre la tête dans le sable. Oui, ça va toucher les hockey mineurs. Oui, ça va toucher le nombre d'équipes. Mais regarde, on riait tantôt qu'on disait, ben, Hugo Maltais, faut pas qu'il fasse un Marcel Maltais lui-même. Mm-hmm. Ben, c'est la même affaire au hockey, à Hockey Québec. C'est la même affaire dans ce niveau-là, qu'à un moment donné, ben, les gens sont rendus là, ça évolue. Il y aura des ajustements à faire, effectivement, à Hockey Québec. Puis, si les hockey mineurs, éventuellement, bon, ont à gérer les ligues simples lettres, puis que les équipes compétition passent par le scolaire, ben, regarde, les hockey mineurs géreront le simple lettre, c'est pas pire que ça. Là. Ben, ça l'enlève rien à. Le but de tout le monde, c'est d'amuser des jeunes qui fassent un sport. Dans le cas-là, c'est le sport, c'est le hockey. C'est surtout pour les entraîneurs. Regarde, Robin Bouliane, je vais prendre l'exemple de Robin Bouliane parce que Robin, puis tu le connais bien, Robin aussi, là. Il dirige les castors parce qu'il a comme pas le choix pour rendre service. Mais oui. Robin Bouliane a une entreprise, je suis pas mal sûr qu'il s'en passerait de diriger les castors de Delbeau. Fait que là, t'as Simon Gaudreau qui est payé. Qui est compétent, qui s'en vient. Oui. Donc, c'est pour ça. Là. Moi, je pense qu'on est rendu là. Puis Robin avait raison quand il dit on est rendu à la croisée des chemins. Là. Ben, ça évite... Il y en a quand même encore, mais il y a plein de... Tu sais, je veux dire, il y a des avantages pour les jeunes. Ouais. Quand on parle du hockey. Puis il y a des avantages également pour les entraîneurs. Les structures scolaires font en sorte qu'il y a, malheureusement, là, puis je vais le dire malheureusement, mais il y a un côté heureux là-dedans, malheureusement, ben les parents sont un peu tassés. Mm. Puis, je parle pas des parents entraîneurs comme aussi des parents qui sont spectateurs puis qui des fois font des affaires qui ont comme pas de bon sens dans l'hockey mineur. Là. Que là, ben dans les structures scolaires, tes parents-là, là, t'es vois moins. Ou ils sont pas trop invités à se présenter aux entraînements puis aux parties. Puis garde, si t'es pas content, reste chez vous. Parce que ton flot, on va le voyager puis on va s'en occuper. Mm. Fait que ça fait en sorte que les parents qui sont un peu qui pensent que les jeunes vont faire de la Ligue nationale. Ben, ça fait que ces gens-là, dans ces structures-là, ben, c'est triste à dire, hein, mais c'est même une réalité. Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais ça porte moins à. Il y a moins de conflits d'intérêts, parce que quand c'est un parent qui coach, ben, l'autre, le voisin de tour, ben, il favorise son enfant, puis il n'y a pas d'affaires là, puis il n'y a pas d'affaires ci. Ben, là, dans le scolaire, quand c'est une personne qui est nulle, ben, t'as pas de problème. Garde, elle a pas d'avantage, elle aime pas plus le A que le joueur A que le joueur B. Elle, c'est son équipe, majeure, son équipe, fait que ça a une dimension bien différente aussi à ce niveau-là. Oui, effectivement. Vraiment. Ouais, fait que, donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, fait que, pour la suite des shows, mais je vois ça positivement l'arrivée de Simon Gaudreau, surtout un gars solide de même. Ça démontre le sérieux du programme aussi, là. C'est clair. Ça, c'est une prise majeure. Ah, regarde, ça démontre les sérieux des gens qui sont en haut de ça, là. Oui, c'est clair. La personne qui nous autres, on sait c'est qui. La personne qui a pensé à M. Gaudreau, qui a trouvé ça, ben c'est, je veux dire, cette personne-là a fait là, un coup de maître, puis de penser, puis d'aller chercher vraiment une pièce de qualité comme ça, là, on peut juste être content de cette acquisition. Hugo, il me reste que te remercier encore une fois pour ta collaboration cette année. Ça n'a pas été facile des fois, les disponibilités. Je sais que c'est tight. Tu diriges les Hurricanes aussi. On se reparle l'Assemblée générale qui est en mai, c'est ça? Oui, à la mi-mai. OK, donc on se reparle à ce moment-là pour avoir un petit bilan, puis on se reparle pour l'automne prochain. Merci beaucoup. Hugo Maltais, le président du hockey mineur de Robert.